Stéphanie. Mon copé. Ancré à ton port, mais tu perds le nord. Dis-moi pourquoi. Dis-moi ce que tu as sur le cœur. Pourquoi t'as toujours l'air ailleurs? À moi je te sens si sensible, mais tu m'as l'air inaccessible. Parle-moi de toutes tes peurs. Pourquoi tous ces changements? Tu ne te mérites même pas. Mais à quoi sert le verbe aimer si la personne qu'on aime, qu'on désire ne peut conjuguer? Lui qui ne te prend pas au sérieux se mettra à pleurer si tu lui dis adieu. Je pense que c'est mieux, tu as appris à l'aimer. Aïe. Il ne veut que de l'amitié, mais toi tu ne fais qu'insister. J'aime pas te voir souffrir, cesse de pleurer. Ta peine est comme un fleuve qui ne cesse de couler. L'amour c'est comme un feu timide, ensuite il s'enflamme et enfin il s'éteint. J'espère que tout ira bien, Fanny, range ton chagrin. Dis-moi, dis-moi que tout ira bien.